Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde, de la recherche et du choix musical avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette. Aujourd'hui à l'émission, Carfagen d'Ukraine, Lunatic Soul de Pologne, Porcupine Tree d'Angleterre, Frank Carducci des Pays-Bas, Huiss de Montréal, Amadeus Awad du Liban, Minimum Vital de France et de Neil Morse Band des États-Unis. Alors, on débute ça avec le premier bloc et il sera consacré entièrement à plusieurs extraits de nouveautés. Il s'agit du 8e album studio de la formation d'Ukraine et j'ai nommé Carfagen. Et l'album s'intitule Spectra. Alors, il y a 16 pièces, je crois, sur l'album. Vous allez en entendre 6. Alors, bonne écoute. Thank you. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on fait un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Carfagen, la formation ukrainienne, et on a entendu quelques extraits de leur plus récent album Spectra. Cet album se trouve être le 8e de la formation, et c'est un groupe qui gravite autour de Anthony Kulagin. Anthony Kulagin qui fait partie de beaucoup d'autres formations. Il a aussi un site de distribution de CD ou de vinyle pour en provenance principalement des pays de l'Est de l'Europe. Alors, on enchaîne avec le deuxième bloc et une formation polonaise du nom de Lunatic Soul. Lunatic Soul, ça se trouve être le projet parallèle de Marius Duda, qui est le guitariste et chanteur de Riverside. Lunatic Soul ont 4 albums studio, dont le plus récent en 2014 qui s'intitule Walking on a Flashlight Beam, et on va entendre un extrait de cet album-là. Et ça sera suivi de Porcupine Tree, formation britannique, et on va entendre un extrait de l'album Fear of a Blank Planet qui est paru en 2007. Et on va conclure avec Frank Carducci et une interprétation d'une chanson de Genesis qui apparaissait sur The Lamb Lies Down on Broadway. Et je parle ici de Carpet Crawler. Alors on débute avec Lunatic Soul. Condemned myself to solitude. Maybe I'm damaged beyond repair. Asleep in my ivory cage with shutters down. But I retrieved my dreams of us. Suddenly, suddenly, suddenly. Thank you. naked feet. The hole is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander's curries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture are caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There is no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pore. Carpet crawlers hit their collars. We've gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. We've gotta get in to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling, where the chamber is said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They're pulled up by the magnet, believing they're free. The carpet crawlers hit their collars. And the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. And through the door, a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of the staircase that spirals out of sight. The carpet crawlers hit their collars. We've gotta get in. Get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, si on retournait un petit peu en arrière avant la pause, nous avions Frank Carducci, c'est un artiste néerlandais qui nous a fait une très belle interprétation de la pièce The Carpet Crawlers qui, originalement, provient de l'album de Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Mais la pièce de Frank Carducci, elle, est extraite de son album Oddity, qui est paru en 2011. Ça a été précédé de Porcupine Tree avec la pièce Sleep Together, et c'est extrait de Fear of a Blank Planet, qui est paru en 2007. Et en début de bloc, nous avions la Lunatic Soul de Pologne, avec la pièce Pygmalion's Ladder, et c'est extrait de Walking on a Flashlight Beam, paru en 2014. Concernant Lunatic Soul, Marius Duda, le membre fondateur de cette formation, mentionnait dans une entrevue qu'il a accordée à la revue britannique Prog le mois passé qu'ils étaient en préparation pour un nouvel album de Lunatic Soul en 2017. Alors, votre humble animateur va suivre ça de près et c'est évident que nous allons en faire paraître dès sa sortie. Alors, le troisième bloc est consacré à deux formations. La première, c'est une formation de Montréal, Huis, H-U-I-S, qui a fait paraître au début d'année 2016 son deuxième album Nether in Heaven. Ça avait été précédé en 2014 de Despite Guardian Angels. Et pour l'occasion, aujourd'hui, nous aurons deux extraits du dernier album, la pièce titre Nether in Heaven, et ça sera suivi de Synesthesia. Et après ça, on va enchaîner avec un artiste du Liban, du nom de Amadeus Awad, qui a paru en 2015 son deuxième album qui s'intitule « Death is just a Feeling ». Malgré le fait que cet album-là est enregistré à Beyrouth et dans des conditions difficiles, il y a quand même eu la participation de personnages assez connus du monde du rock progressif. Ici, je parle de Arjen Lucassen de Arian, qui a participé à l'album. On a Marco Minnemann des Aristocrates qui a aussi participé à l'album. On a Annek van Geersbergen, la chanteuse du groupe The Gathering. On a Jimmy Keegan de Spock's Beard, entre autres, et Kevin Moore de Dream Theater. Alors, c'est un petit peu heavy metal, ben, en fait, heavy, pas nécessairement metal, avec plusieurs sophistications dans les rythmes et dans les ambiances. Alors, on débute ça avec Huis. Thank you. past, chasing the lines between the dots. A grain of sand lost among my thoughts. Try to figure out. Chase beyond reason. Without this, there will be much confusion. Between the screen and your mind, there's nothing you can find. Friends. lost between two lands, the border of your times, between the child and mother's heart, a sad destiny that departs. For your eyes, from your mind to your head, teardrops of a wounded child, water of his strongest roots. is broken into bits of sorrow. Until today faces tomorrow. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le troisième bloc, le quatrième bloc, nous retournons un petit peu à ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Amadeus Awad. C'est un Libanais et on a entendu la pièce Poetry of Time et c'est extrait de Death is Just a Feeling. Ça, c'est paru en 2015. Et auparavant, nous avions deux pièces extraites de l'album Nether in Heaven de la formation montréalaise Huy et qui, soit dit en passant, sont bien cotés sur la scène internationale. Il y a un palmarès sur un site web allemand qui les classe dans les 20 meilleurs albums de rock progressif de l'année 2016. Rien de moins. Alors, je vous invite aussi à les voir en spectacle. Si vous visiterez ma page Facebook de l'émission Rock de Neurones, vous aurez les dates du spectacle de Huy à Québec, je pense, et peut-être à Montréal, mais en tout cas, pour être plus précis, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, on débute le quatrième et dernier bloc de l'émission avec Minimum Vital, une formation française. On n'entendra pas quelque chose qui est extrait de leur discographie habituelle. On va aller plutôt du côté de l'album concept qui est paru en 2005, qui s'intitule Odyssey, The Greatest Tale. Et on va entendre Étranger en sa demeure. Et on va conclure avec une nouveauté de la formation américaine de Neil Morse Band qui vient de faire paraître un album double de Similitude of a Dream. Et on va entendre la pièce Ouverture. Alors on débute ça avec Minimum Vital. Thank you. Alors, c'était The Neil Morse Band avec un extrait de leur album double qui vient tout juste de paraître. L'album s'intitule The Similitude of a Dream et la pièce qu'on a entendue, c'est Overture. Ça a été précédé de la formation française Minimum Vital avec la pièce Étranger en sa demeure. Et ça, c'est extrait de l'album concept Odyssey The Greatest Tale et c'est paru en 2005. Alors, ceci met fin à l'émission et avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que vous pouvez écouter en rediffusion l'émission les mardis de midi à 14h et les dimanches matin de 10h à midi. Et aussi, en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones, vous avez accès à l'hyperlien qui vous amène à l'émission qui a été diffusée cette semaine et que vous pouvez entendre sur SoundCloud. Et de plus, il y a un hyperlien qui vous amène à archive.org où vous pouvez sélectionner une des émissions passées. Il y en a plus de 70 qui sont archivées. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine, même heure, même poste.